regarde la fille là-bas. Elle n'est pas dans notre classe ? Où ? Là-bas, la rousse. Ah oui, je la connais. C'est l'assistante d'anglais. Elle s'appelle comment ? Jane. Elle est écossaise, mais elle parle très bien français. Elle est super. B. Dans quelle salle on a cours après manger ? En salle 7. Et ensuite, dans la salle voisine, la 8. Super ! Je suis fatiguée aujourd'hui. C. Hey, Pascal ! Salut ! Salut, Émilie ! Je te présente Carole, une amie. Et lui, c'est Pascal. C'est un bon copain. Ah, bonjour, Carole. Tu vas bien ? Très bien, merci. Je viens chercher Émilie. On veut aller à la piscine. Tu viens avec nous ? Non, désolé, mais... Moi, j'ai cours. Je vais manger. Bon, alors. Au revoir, Pascal. À demain. D. Tu es inscrit au club ciné ? Non, le secrétariat est fermé. E. Tu manges tous les jours au resto U ? Non, juste quand j'ai cours le matin. Et toi ? Moi, tous les jours. C'est pratique et ce n'est pas cher.